fous ton rap à la décharge. Des hachoirs plein la mâchoire, ma charme sur la chair d'un jour. Des charges, ma rage du haut d'un char. Si je t'ai chopé cher, très cher, c'est de haut que les nains te chauffent quand je finis mon show. Donnez-moi du MC, donnez-moi ces petites tafioles. J'arrive en Santiago sur un VMAX, mettre le rap à paillole. Maître de cérémonie, approche, je m'appelle Dino Momo. C'est TSE, c'est juste l'intro. Si casser l'élite, l'électrochoc qui milite. L'album Undock te choque, ressent le flow, les gimmicks. Ressent le flow, médite. Gadji ou Gadjo, ressent le flow qui t'érite. Un son à t'arracher la peau. Un rap au risque, puisque les disques des autres artistes font avancer le bise avec les jambes de Christopher Reeves. MCs, voici des lyrics. Comme Jackson featuring le choriste. Hey, hey, petit freestyler, j'aime bien le mouvement. J'aime bien raconter la vie des autres dans le mouvement. Tu es un délinquant ou l'arnaque de tes fans qui aiment te voir bouger le bravo. Mytho. Ici ça se prend des gifles, là tout va haut. De là des limites, bienvenue là où les adversaires finissent KO. Voilà le navire des blocs, on arrive chaud, bouillant. Voilà la rage des sangs chauds. Tout le monde au front, les bras. L'album univers auquel faudrait que tu adhères. Et si un goût amer, poto, n'hésite pas à le dire. Car c'est la rage que j'aime prendre, celle de mes sœurs et de mes frères du ghetto. C'est là, c'est les sawabi, toi pareil va rapper là-bas. Moi j'arrive à balloter ma rage, te laisse au béaba. Mets trop de fumée pour ton équipe, hey. Enfoiré, je rupe Kino. Dans la mêlée de rimage, j'ai pas un baba psychiatre de la rime. Accélère à la rime, à la vie pour tous ceux d'en bas qu'on pas la ville à rêver. Crever de n'être que de langue sous le doigt d'un greffier, une pour Mino. 24 ça boit des packs, ça flambeau carte caramélisée jusqu'aux gencives. Nique la barque, pareil qu'on demande à Alonso. Tu leur prends la ligne 26. C'est un peu plus loin que la vie, plan d'art. J'ai l'accent de la Camargue, comme mes camarades, canard, ton art. En attendant la Camargue, j'amarre mon rap au bord des Comores. De nard, de l'art, de molard, du haut de mon goulag. Nord, ce coup-là, t'es mort, non? Choupe moi na marre, comme on évite les obstacles. De 1 car trop de mecs veulent nous voir au cachot. De 2 car bloc parti, c'est pris trop tacle. Et de 3 petits cas, viens affronter les Kilimanjaro. Tout le monde.